Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une belle histoire. Au départ, tout les sépare. Ria est irlandaise, femme au foyer, elle habite une somptueuse résidence dans Tara Road, l'une des plus belles rues de Dublin. Marilyn, elle, est américaine. Elle demeure dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre et se consacre assidûment à sa carrière. Jusqu'au jour, au hasard d'un coup de téléphone, elle décide d'échanger leur maison l'espace d'un été. Tu es prêt pour un troisième enfant ? Ria, j'aime une autre femme et elle attend un enfant. Vendre Tara Road pour que tu puisses subvenir aux besoins de ta petite amie ? Mais cette maison est à moi. Si c'était mon mari, moi je l'étranglerais. On ne va pas continuer ainsi. On ne partage plus rien à présent. J'appelle des États-Unis. Je cherche quelqu'un qui aurait une maison en Irlande et je lui prêterai la mienne. Je veux bien qu'on échange. C'est vrai ? Oh, j'espère ne pas me tromper. C'est le décalage horaire. Non, je suis toujours comme ça. Le but de ce voyage, c'est de vivre seule. Est-ce que Ria vous a dit des choses sur moi ? Non. J'ai brûlé mes deux dernières femmes. Je plaisante. Alors, il est où, votre fils ? On aurait dû me le dire, enfin. Pourquoi Marilyn n'a rien dit ? Elle refuse de l'accepter. Tu vas laisser notre maison à une Irlandaise que tu ne connais pas ? Elle va mettre des images pieuses partout. À la vôtre ! Plaisez bien, je suis un type direct. Je risque d'y prendre goût. Sur la route de Tara, avec Andy McDowell et Jean-Marc Barr, un DVD Swift.